Scène 2. Le champ des revues. L'armée polonaise, le roi, Boleslas, Ladislas, Père Ubu, capitaine Bordure et ses hommes, Giron, Pile, Cotys. Noble Père Ubu, venez près de moi avec votre suite pour inspecter les troupes. Attention, vous autres. On y va, monsieur. On y va. Les hommes d'Ubu entourent le roi. Ah, voici le régiment des gardes à cheval de Danzig. Ils sont fort beaux, ma foi. Vous trouvez? Ils me paraissent misérables. Mais regardez celui-ci. Depuis combien de temps t'es-tu débarbouillé? Ignoble drôle. Mais ce soldat est fort propre. Qu'avez-vous donc, Père Ubu? Voilà. Il lui écrase le pied. Ah, misérable! Merde! À moi, mes hommes! Hourra! En avant! Tous frappent le roi. Un palotin explose. Ah, au secours! Sainte Vierge! Je suis mort! Qu'est-ce cela? Dégainons! J'ai la couronne! Aux autres maintenant! Sus! Aux traîtres! Les fils du roi s'enfuient, tous les poursuivent.